Bonsoir chers amis auditeurs de Vibration. C'est dimanche, il est 21h et donc c'est l'heure de votre émission favorite Milky Waves. Le Raph au micro avec la voix un petit peu enrouée, pardonnez-moi. Et cette semaine, c'est DJ Fire qui va animer l'émission pendant 7 heures de mix. Le premier morceau de la sélection de DJ Fire, ce sont les Néerlandais 16-bit Lolitas. Ils officient depuis 2007, ils ont leur propre label Bits & Peace. Et le titre de ce soir, c'est Friendly Neighborhood. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, DJ Fire. Thank you. Milky Waves, toujours avec le Raph au micro et DJ Fire au platine, c'était 16-bit Lolitas avec Friendly Neighbor. À suivre, les Serbes de Beatmaniacs avec Messine, un audio noir Reconstruction. les Beatmaniacs et Messine. On enchaîne avec le DJ et producteur de Tel Aviv, Shame. Le titre c'est Blue Shadow et c'est un Guy Gerber remix. Milky Way. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Thank you. après Shame et son Blue Shadow. On enchaîne avec Denis Zephyr et Summer Memories. Enjoy. We'll be right back. nous arrivons à la moitié de notre émission déjà. C'était Denis Zephyr et Summer Memories. Alors, le prochain morceau de la sélection de DJ Fire, ce sont les Anglais Art of Trance. Ils sont sur la scène depuis 1993 déjà, donc bien expérimentés. Et on les retrouve maintenant avec un titre de l'année, un titre de 2014. C'est Humans et c'est un Perfect Stranger remix. C'est parti! Thank you. à l'écoute d'Art of Trains avec Humans, Perfect Stranger Remix. Vous êtes toujours à l'écoute de Vibration, vibration.fm ou 107.2 Bruxelles. Toujours le Raph au micro et DJ Fire au platine. Et le prochain morceau de sa sélection, c'est Deusler avec Echo of a Whisper. Et c'est un label Bonsai Progressive. Vibration.fm 107.2 in Brussels. Thank you. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Alors, après Doozler et Echo of a Whisper, on passe à Audio Noir, qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter sur Milky Waves. Cette fois-ci, il nous vient avec un titre qui s'appelle Pressure. J'espère que vous n'en avez pas trop de pression. On écoute ça. venons d'écouter Audio Noir avec Pressure. Et maintenant, on passe à l'artiste Kindred Spirits et ses percussions dynamiques. Le titre, c'est Close Up et c'est un Jacqueras Night Time. Thank you. C'était Kindred Spirits avec Close Up. Nous allons clôturer cette émission en compagnie de DJ Fire, qui est à l'origine de cette heure de mix et aussi du dernier morceau. Le dernier morceau s'appelle Flying. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Profitez bien du dernier morceau parce que c'est presque fini. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!